en aura fallu de la patience et de la persévérance à Sabrina Krief pour gagner la confiance des chimpanzés de la forêt de Sébitoli en Ouganda. Pendant des années, avec sa petite équipe, la primatologue a arpenté jour et nuit cette forêt touffue et boueuse du parc national de Kibale, jusqu'à ce que la communauté de chimpanzés qui y vit accepte sa présence. Depuis, régulièrement, elle part à leur rencontre et passe de longues heures à les observer munie de ses jumelles et de son carnet. Elle note leurs interactions et analyse leur comportement. Une de leurs pratiques l'intéresse tout particulièrement. Quand ils sont malades, les chimpanzés sont capables de se soigner en changeant de régime alimentaire pour ingérer des plantes qui les aideront à guérir. Autrement dit, ils pratiquent l'automédication. Comment savent-ils quelles plantes ils doivent prendre? Le font-ils instinctivement ou est-ce le fruit d'un apprentissage? Voilà le genre de questions qui intrigue Sabrina Krief. Professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, elle vient de publier « Chimpanzés, mes frères de la forêt » aux éditions Actes Sud. Cet après-midi, elle va nous emmener avec elle en Ouganda sur la piste de ces grands singes qu'elle connaît si bien. Et en fin d'émission, changement de décor, nous nous intéresserons aux techniques et aux méthodes des agents secrets avec Laurence Conesil, commissaire de l'exposition Espion, qui vient d'ouvrir ses portes à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Ça, c'est une trace fraîche. Oui, une empreinte de pied qui vient d'être faite. Donc ça, c'est un pied droit. On voit bien le pouce opposé. La main. Et la main avec les trois phalanges. Donc ils sont devant nous. Bonne nouvelle. Faut pas loin, hein. Bonne nouvelle, pourquoi? On vient d'entendre les vocalisations des chimpanzés. Et donc, a priori... On n'est pas très loin du but, il est encore tôt, donc on va réussir a priori à les trouver. Bonjour Sabrina Krief. Bonjour. Extrait d'un reportage d'Interception, Sophie Bécherel, vous avez accompagné dans le parc national de Kibale en Ouganda et vous observiez ensemble les chimpanzés, en tout cas vous les recherchiez parce que vos journées d'observation commencent toujours par ce temps où il faut les retrouver dans cette grande forêt de Kibale. Oui, en effet, même aujourd'hui, alors qu'ils sont bien habitués, c'est-à-dire qu'on connaît les individus qui composent cette communauté, ça correspond toujours à un jeu de piste et on n'est pas si loin des espions qui vont arriver plus tard dans l'émission, puisqu'en fait, c'est une sorte d'enquête et on est sur leurs traces, on cherche les indices de leur présence, ouais. Les vocalisations quand on vient de l'entendre, mais aussi les empreintes de pas dans la boue quand ouais. Il y en a. Et il y a aussi leur nid, hein. Ils font des nids pour dormir. Oui, alors ça, c'est vraiment ce qui nous permet le plus facilement de les retrouver, c'est-à-dire que notre objectif est de suivre les chimpanzés du matin au soir jusqu'au moment où ils vont construire leur nid, puisqu'ils construisent un nid différent chaque soir, et ensuite, le lendemain matin, de revenir à l'endroit où on les a laissés le soir pour retrouver notre groupe. Mmh. Ça, c'est quand tout se passe bien, qu'on ne les perd pas au cours de la journée ouais. Et qu'on arrive donc à notre but. Parce qu'ils se déplacent vite et finalement beaucoup plus vite que vous. Ils sont beaucoup plus à l'aise que vous dans cette forêt. C'est pas tellement étonnant. Hein. Oui, la bipédie, le fait de marcher sur deux jambes, ne nous avantage pas du tout. Mmh. On est dans une forêt qui a été très abîmée dans les années 70. Il y avait une exploitation forestière qui a endommagé 50% des arbres. Et donc, ce qui repousse, c'est surtout... de la forêt secondaire, des jeunes arbustes. C'est très touffu, très dense. Il faut parfois ramper, parfois escalader, puisque c'est une forêt d'altitude, mmh. Et parfois boueuse. Donc souvent, on est à quatre pattes malgré ouais. Tout. Et il y a beaucoup d'animaux sauvages, pas seulement ces chimpanzés, mais il y a aussi des éléphants, et ça peut être dangereux, des éléphants. On est vraiment dans une forêt, malgré cette déforestation, etc., qui est un hotspot de biodiversité, ouais. Donc un endroit où les insectes, les oiseaux, mais aussi les grands mammifères se portent plutôt bien. Et effectivement, parmi les animaux les plus dangereux pour nous, hein, se trouvent les éléphants. Car à l'inverse de ce qu'on peut imaginer, les éléphants en forêt, c'est extrêmement discret. Et on peut arriver ah oui. À quelques mètres d'eux sans s'en rendre compte. Et bah, là, parfois, le face-à-face est assez sportif. Il faut prendre ses jambes à son cou et courir en sens inverse pour éviter la charge. Ouais. Ouais, vous êtes fait des frayeurs dans cette forêt. Vous vous y êtes perdu aussi. Hein, parce qu'au début, quand vous êtes arrivé, il y a une dizaine d'années, cette zone-là précisément de Sébitoli n'était pas encore cartographiée. Vous vous y êtes régulièrement perdu au début. Oui, on était les premiers à venir à la découverte de cette zone. Donc il n'y avait absolument aucun chemin que les traces des éléphants éventuellement ou les pistes des petits animaux. Et le domaine vital, donc le territoire des chimpanzés qu'on suit, couvre 25 km2. Donc 25 km2 au bois de Vincennes, ça ne semble pas grand-chose. Mmh. Mais en forêt tropicale, c'est vraiment important. Et donc le premier travail a consisté à cartographier cette zone, identifier les zones où il y avait par exemple des rivières, mais aussi tracer des chemins. Aujourd'hui, on a 120 km de sentiers dans la forêt, mais au début, ça a été vraiment très très difficile de se repérer dans la forêt. Difficile, et puis aussi, il a fallu les approcher, ces chimpanzés sauvages, qui ont appris à se méfier de l'homme, parce qu'il y a soit des braconniers, soit des villageois qui les chassent quand eux, les chimpanzés, viennent chaparder dans les plantations alentour. Donc ils ont plutôt des rapports distants avec les humains. Et il a fallu que vous les habituiez à votre présence. Alors, ce qui est complètement nouveau et vraiment très important, c'est qu'on n'utilise absolument pas de nourriture. Hein. Jane Goodall, qui était la pionnière de ces travaux, elle avait utilisé des bananes et une boîte qui distribuait des bananes. On s'est rendu compte assez rapidement que ça pervertissait leur comportement et que ça chamboulait un peu tout. Donc là, le travail consiste vraiment à les habituer à notre présence par la répétition du contact visuel uniquement et en gardant 8 à 10 mètres de distance. Donc pas non plus de contact physique. Ce qui veut dire qu'il faut ni susciter leur curiosité, ni la crainte. Donc c'est vraiment par la répétition, donc d'abord à 50 mètres, qui est le moment à peu près où ils détectent notre présence et où là ils dégringolent à toute vitesse. Et puis petit à petit, tenter de se rapprocher en se faisant identifier, parce que si on est vraiment trop discret, on les surprend et c'est encore pire. C'est vraiment un travail de patience et ça prend 5 à 10 ans parce que en plus les chimpanzés ont un système social particulier de type fission-fusion. Donc on ne voit pratiquement jamais les mêmes individus d'un jour sur l'autre. Donc tout est à recommencer à chaque fois jusqu'à ce qu'un individu en particulier nous accepte et fasse transmettre la confiance aux autres membres du groupe. Alors vous avez commencé ce travail d'habituation en 2009 et en 2010 vous avez été accompagné par la journaliste Alice Milot sur le terrain, journaliste pour RFI. Le travail d'habituation ne faisait que commencer. C'est vraiment exceptionnel en fait. Jusqu'à maintenant, on n'avait jamais réussi à être aussi près sans déclencher de vocalisation, de cris. Il y a un an, on s'approchait à 25 mètres et elle hurlait. Là, c'est vraiment un beau cadeau qu'on a aujourd'hui pour ce premier jour. Donc on peut essayer de s'approcher 5 mètres par 5 mètres. Pour l'instant, Koutou s'est toujours pas rendu compte qu'on était là. Mais comme elle est assez basse, si on la surprend, elle peut partir à toute vitesse. Et donc on aura perdu notre journée. C'est de la femelle baptisée Koudou que vous étiez en train de vous approcher en 2010. Alors cette vieille femelle en fait qui s'appelle Koutou, ça veut dire oreille en Rutoro, la langue locale. Parce qu'elle a les oreilles abîmées. Il lui manquait une oreille en fait, elle est morte il y a quelques années, elle est morte dans les villages. Mais c'est la première effectivement à avoir accepté notre présence, peut-être parce qu'elle était un peu sourde et vraiment vieille, qu'elle ne nous voyait pas bien. Mais en tout cas son comportement a fait que les autres membres du groupe nous ont plus rapidement accepté. Ce sont les chimpanzés qui vous acceptent. Il y a eu aussi ce déclic avec le mâle alpha Elliot. Vous décrivez aussi très bien ce face-à-face. On sent toute votre émotion. En même temps, il ne faut pas que vous laissiez transparaître tout ça. Quand pour la première fois, il vous fait face et il ne fuit pas. Oui, en fait, c'était un moment où, pour ma part, j'étais en train d'observer un autre chimpanzé, Jean-Michel, mon mari, qui est donc photographe. Et qui vous accompagne sur le terrain. Vous avez cette passion commune, tous les jours. Voilà, qui était donc un autre endroit de l'arbre que je ne voyais pas, ne me donnait pas vraiment de nouvelles. Donc, je me suis demandé ce qui se passait, parce qu'en général, on communique entre nous. Donc, je suis allée le voir. Et effectivement, il était tout proche d'Eliott, qui, pour la première fois, nous faisait face. Et donc, vraiment, nous détaillait des pieds à la tête et acceptait qu'on soit aussi proche. Ce qui a été le plus beau moment, c'est quand il nous a lâché des yeux, qu'il s'est complètement détendu et qu'il nous a tourné le dos. Ça a été la victoire en fait, parce que à partir du moment où il nous offre son dos et où il n'est plus à nous fixer, ça montre vraiment qu'il a accepté qu'on fasse partie pratiquement de leur groupe. Ouais. C'est pas qu'il vous boude, c'est qu'il vous fait confiance. S'il vous offre son dos, s'il ne vous regarde plus et en plus il se désintéresse de vous. Finalement, ce que vous cherchez, c'est à ne représenter rien pour eux, pas une source de curiosité, pas une source de danger, à être insignifiant. Voilà, donc ça apprend l'humilité. Oui. Et effectivement, se dire que le fait de se faire tourner le dos, c'est un beau cadeau, voilà ça. Après quelques années, vous vous êtes fondu dans le paysage, vous avez pu les approcher et commencer à les observer de plus près. À quoi correspondent leurs cris, là ? Voilà, ils sont dans un arbre avec des fruits, c'est le matin, ils viennent de se réveiller. Donc ça, c'est des cris d'excitation parce que l'arbre est plein de fruits. Et donc, ils sont tout contents de trouver un bon repas dès le matin. Ils sont nombreux ? Ouais, là, on a un bon nombre de chimpanzés. Et en plus, on a un autre groupe qui arrive au sol et qui répond. Là, on entend des individus qui sont à la fois dans l'arbre déjà en train de commencer à s'alimenter et d'autres qui sont en train de se déplacer au sol et qui arrivent au pied de l'arbre. Là, il fait à peine jour, en fait, il est 6h40, donc c'est pas encore évident de savoir qui est présent, mais on a déjà une bonne quinzaine d'individus, a priori, puisqu'on voit les silhouettes dans l'arbre. Par contre, une chose est sûre, Elliot est là. Vous le voyez aux jumelles ? Oui, il est à mi-hauteur dans l'arbre. Il est déjà en train de manger. Donc le mâle dominant. Oui, le mâle alpha. Sabrina Krief, en compagnie de Sophie Bécherel, en 2015, dans cette forêt en Ouganda, et avec le fameux mâle alpha, Elliot. Comment vous analysez le fait justement que ce soit le mâle dominant, le mâle alpha? Qu'est-ce qu'il a dans son tempérament? Parce qu'à force de les observer, déjà vous les reconnaissez tous au premier coup d'œil et vous connaissez leur tempérament, leur personnalité. Alors ce qui est assez exceptionnel avec Elliot, c'est qu'effectivement c'est lui qui est le plus haut dans la hiérarchie de cette petite communauté, mais que malgré tout, il n'a pas obtenu cette position et il ne se maintient pas comme ça par la force. Il est très consensuel, il a beaucoup d'alliés, alors que généralement, un mâle alpha a plutôt tendance à faire beaucoup d'esbroufs et à beaucoup cogner sur les congénères. Lui est vraiment calme et pacifique, et même au moment où il a été mutilé, puisqu'il a été piégé il y a quelques années, malgré son affaiblissement, les autres n'en ont pas profité pour essayer de prendre sa place. Il s'est abîmé la main à cause d'un piège qui n'était pas destiné aux chimpanzés, mais dans lequel malheureusement il s'est fait prendre. Exactement, il a gardé ce piège pendant plus d'un an, malgré nos efforts pour tenter de lui enlever. Ce tempérament aussi de mâle alpha le rend extrêmement vigilant, ce qui explique probablement qu'on n'a jamais réussi à lui enlever. Ouais. Un de mes collègues, Noreen Chai, qui est le vétérinaire de la ménagerie du Jardin des Plantes, m'a rejoint. On a passé plus de 10 jours à tenter de l'anesthésier, mais en fait, chaque petit indice pour lui qui montrait quelque chose qui changeait de son quotidien et du fait que le groupe qui a d'habitude le suit d'humain n'était pas le même, a fait qu'on n'a jamais réussi à l'approcher quand Noreen était là. Toujours est-il que ce qui fait la personnalité de ce mâle, c'est son dynamisme, c'est le fait qu'il est en interaction avec la plupart des autres chimpanzés de la forêt, en tout cas alentour. Il fait de la politique, cet Elliot. Un excellent politicien, effectivement, parce que sa journée, comme de façon générale celle d'un mâle alpha chimpanzé, consiste vraiment à essayer de rencontrer le plus d'individus possible, ce qui le rend extrêmement dynamique et mobile et rapide, et qui nous épuise, à vrai dire, sur le terrain quand on décide de le suivre lui tout particulièrement. Ouais. Comment est organisée la communauté ? Vous avez dit fusion, fission, c'est-à-dire que le groupe se fait et se défait au gré des rencontres, au gré des ententes passagères ? Alors surtout au gré de la disponibilité en nourriture et des femelles en oestrus, c'est-à-dire les femelles qui acceptent la copulation et qui sont potentiellement fécondes. Donc ça sont deux aspects qui font que les chimpanzés se regroupent. Mmh. Mais sinon, donc le matin, un chimpanzé peut être seul. Il peut par contre faire partie d'un groupe de 20 individus et tout au cours de la journée, ces groupes vont se dissoudre, se rassembler et les mâles vraiment restent toute leur vie sur leur territoire. Il n'y a que les femelles qui changent de communauté à l'adolescence. Mais, sans qu'on sache d'ailleurs exactement pourquoi. On va avoir l'occasion d'en parler dans cette émission. Il reste encore beaucoup de choses à comprendre sur le comportement et les capacités des chimpanzés. Par exemple, ces singes, quand ils sont malades, sont capables, pour se soigner, de sélectionner dans la très riche végétation qui les entoure les plantes adaptées à leurs maux. Autrement dit, ils pratiquent l'automédication, un comportement que vous étudiez depuis de nombreuses années. Nous allons en parler dans un instant. Sabrina Krief nous emmène sur la piste des chimpanzés en Ouganda cet après-midi sur France Inter. as marre ? Tu crois qu'ils te comprennent peut-être ? C'est que des singes, je sais pas si tu te rends compte. Que des singes, vraiment, tu crois ? Partez ! D'accord. D'accord, on s'en va. On s'en va. Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, couleur rose à des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Parlerai-moi, peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai-moi, peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République. Résident de la République, c'était Alain Bashung. France Inter. J'ai entendu dire que les hommes de votre planète descendaient du singe et pourquoi pas de la puce. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Mon carnet de notes, les bandelettes urinaires, les tests de grossesse pour les femelles chimpanzés, les petites barres pour la pause de 10 heures, parce que comme on part à 5 heures, en général, il y a toujours un petit creux quand même. Alors là, il est à peine 6h30, le jour se lève, on a l'impression de se fondre dans la forêt. Se reposer, prendre le temps d'écouter, d'attendre le réveil des chimpanzés. C'est un moment précieux. Ah, ça y est, il est debout, il est assis là, dans son lit. Il a fait une grotte. Ouais, au pied du lit, là, sur qu'il est là. Ce que je vais faire, c'est essayer de récupérer de la crotte, à partir desquelles on fera les analyses de génétique. Pour essayer donc de savoir qui est le père de Grant. Extrait d'un reportage diffusé sur France 2 en 2018. Vous partiez, Sabrina Krief, de bon matin observer les chimpanzés dans le parc de Kibale en Ouganda. Et il y a cette matière très précieuse que sont les crottes de chimpanzés. Pourquoi elles vous intéressent tant que ça, ces crottes de chimpanzés ? Alors les crottes nous permettent de faire beaucoup d'analyses, en fait, à la fois de connaître l'état de santé via la parasitologie, par exemple, mais aussi donc la généalogie. Et par exemple, la crotte de Grant nous a permis de savoir que c'était Elliot, son père. puisque en fait on sait très bien associer un jeune individu à sa mère, il va rester jusqu'à 7, 8, 10 ans très fortement associé à sa mère, mais les mâles copulent avec plusieurs femelles et les femelles avec plusieurs mâles, donc la paternité est toujours très difficile à déterminer. Et grâce aux crottes, on va avoir des cellules intestinales qui restent autour de la crotte, et ces cellules intestinales de l'individu vont nous permettre de déterminer sa génétique et ses parentés. De refaire l'arbre généalogique. Finalement, le lien le plus stable, c'est celui mère avec sa progéniture. C'était même un peu une énigme. Vous observiez que des chimpanzés dormaient souvent nid contre nid, enfin, étaient très proches, semblaient avoir un rapport privilégié. Et vous vous êtes rendu compte, après avoir fait ces analyses génétiques, que souvent c'est parce qu'il y avait un lien de parenté et que quand les jeunes ne sont plus si jeunes, ils restent un peu dans les jupons de leur mère. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui est particulier chez les mâles, hein, puisque les femelles adolescentes vont quitter leur communauté, donc elles perdent ce lien très fort avec leur mère. Mais par contre, pour les mâles, ça reste quelque chose de très présent. Et la génétique nous a permis de déterminer et d'expliquer pourquoi Butchaman et Pénélope étaient si proches. On se disait que peut-être ils étaient frères et sœurs ou bien qu'il y avait une amitié particulière. Mais non, finalement, Pénélope est bien la mère de Butchaman. Une des premières scientifiques à avoir observé les chimpanzés et à avoir fait des découvertes importantes à leur sujet, vous l'avez cité en début d'émission, c'est Jane Goodall, qui a commencé ses observations en Tanzanie, dans le parc de Gombe. When I got to Gombe, it was, you know, my dream coming true. C'était mon rêve qui se réalisait. The biggest problem was that day after day, jour après jour, les chimpanzés regardaient ce singe blanc un peu bizarre et disparaissaient dans la végétation. I knew that if I didn't see something exciting, je savais que si je ne voyais pas quelque chose d'intéressant au bout des six premiers mois, ça serait la fin, parce qu'on n'avait de l'argent que pour six mois. Heureusement, juste avant la fin des six mois, j'ai pu observer un des chimpanzés qui utilisait des brins d'herbe pour aller pêcher les termites hors de leur nid termite. En fait, ils prenaient des petits rameaux, ils l'enlevaient des feuilles pour en faire un outil. Et la raison pour laquelle c'était tellement stimulant, c'est qu'à l'époque, on pensait que les êtres humains, et seulement les êtres humains, utilisaient des outils qu'ils fabriquaient. Sabrina Krief, il a fallu attendre Jane Goodall pour comprendre que l'on avait beaucoup d'idées fausses au sujet de ces chimpanzés. Oui, pour remettre aussi en question ce qu'on a appelé longtemps le propre de l'homme, à savoir que les cultures, les outils et même la fabrication des outils étaient uniquement un comportement humain. Or, les chimpanzés non seulement utilisent des outils, mais les fabriquent, les taillent, les façonnent de façon à pouvoir accéder à du miel, à des termites, à des fourmis ou encore à casser des noix en utilisant un assemblage de plusieurs outils. Alors quel genre d'outils justement ils utilisent ? Alors c'est vraiment propre à chaque communauté et c'est ça qui explique des comportements culturels, hein, donc ils ne dépendent ni de l'environnement ni de la génétique puisque des groupes voisins peuvent utiliser des types d'outils différents. Donc à Sébitoli, les chimpanzés n'utilisent pas de pierres par exemple pour casser des noix, mais ils utilisent des baguettes qu'ils vont tailler à la bonne longueur pour aller chercher du miel là et même des abeilles qui creusent des galeries dans le sol. Et ça c'est complètement nouveau. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on n'a même pas encore publié, parce que leurs voisins du parc de Kibale utilisent des baguettes, mais seulement pour les abeilles qui piquent, les abeilles qui construisent des nids dans les arbres. Ils utilisent aussi, par exemple, des feuilles pour nettoyer leur pénis après la copulation, des éponges aussi de feuilles pour aller chercher de l'eau, donc différentes choses. Coton-tige, gourdin, chasse-mouche, éventail, marteau, enclume, lance, confettis, même vous dites qu'ils utilisent des confettis. Alors ça, ces Sébitoli, c'est tout à fait particulier. Ils font des confettis pour draguer, pour attirer l'attention des femelles. Donc ils vont déchiqueter des petites feuilles avec leurs lèvres et les cracher depuis la branche où ils sont pour en fait charmer les femelles. Faire une pluie de confettis de feuilles sur la femelle, ça marche ça... Oui, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ouais. Alors vous nous avez dit que les femelles passaient d'un groupe à l'autre. En général, une fois qu'elles étaient un peu adultes, elles changeaient de groupe. Ça veut dire qu'il faut qu'elles apprennent une nouvelle culture qu'elles n'ont pas forcément apprise dans leur groupe. C'est ça qui est fascinant et qu'on n'a pas encore complètement compris et décrypté, c'est qu'elles changent une fois de groupe en théorie et donc quand elles arrivent dans leur nouvelle communauté, il va falloir qu'elles comprennent... Ce que veut dire une pluie de confettis, par exemple. Exactement, parce que on sait que par exemple les voisins à Kanyawara ne pratiquent pas du tout cette pluie de confettis. Les mâles vont plutôt avoir tendance à agiter des branches ou à mimer l'acte de copulation. Donc peut-être que le fait de mimer, c'est assez clair. C'est plus explicite pour la femelle. Voilà, mais oui, il faut réapprendre et c'est aussi ce qui nous intéresse dans le cadre de l'automédication, puisque on sait que les groupes voisins n'utilisent pas forcément les mêmes plantes, même si elles sont à disposition. Alors, venons-en à l'automédication, effectivement, parce que ça, c'est vraiment le sujet qui vous passionne depuis maintenant plus de 20 ans. Hein. Vous avez commencé votre thèse là-dessus, avec d'autres groupes de chimpanzés que vous étudiez ailleurs que dans cette communauté-là. Vous vous êtes aperçu que... Alors là, ça demande une observation très fine, parce qu'il faut déjà repérer quel chimpanzé est malade. Et puis ensuite, voir que à ce moment-là, précisément, il va changer son régime alimentaire et il va aller choisir dans l'immense diversité de plantes autour de lui, la plante spécifique qui va lui faire du bien. Ça paraît incroyable. Ouais, c'est un protocole qui est assez difficile à mettre en œuvre, tout particulièrement parce que cette plante qui va être consommée, si c'est un médicament, hein, comme nous, elle ne va pas être consommée en grande quantité, puisque sinon elle sera toxique. Donc il faut vraiment se concentrer sur l'individu malade et en même temps savoir ce que font les autres, parce que ce qui nous intéresse, c'est cette différence d'alimentation. Ensuite, ce qui nous oriente aussi vers ces plantes-là, c'est leur goût. Donc, de façon générale, régulièrement, je goûte les plantes que mangent les chimpanzés, puisque généralement, les plantes qui sont porteuses d'activité sont soit très amères, soit très astringentes. Et ça, c'est aussi un indice qui permet d'imaginer que le chimpanzé se souvient de cette plante-là grâce à sa perception gustative et va donc associer le bénéfice ressenti à ce goût amer, par exemple. Mais il y a des exemples très précis, hein, avec par exemple Elliot, dont on parlait, quand il s'est blessé à la main. Vous avez constaté qu'il se mettait à manger des feuilles d'une plante bien particulière. Oui, il a mâchouillé la plante et ensuite il s'est fait comme un emplâtre. Donc ça, c'est un usage externe qu'on voit assez rarement en fait. Et par exemple, en février dernier, il y a deux chimpanzés qui se sont battus et un des chimpanzés a eu la lèvre complètement ouverte et il est allé chercher des feuilles d'une plante pour se tamponner et se faire une sorte de boulette qu'il s'est mis à l'intérieur de la bouche et qu'il a gardé. Et cette plante est connue comme anti-hémorragique par les populations humaines locales. Donc même l'usage externe est tout à fait étonnant et fascinant. Mais comment ont-ils découvert ça? Comment sait-il ce chimpanzé que quand il saigne, c'est cette plante-là qu'il doit utiliser? Alors on suppose qu'il y a, on n'a pas encore toutes les réponses, hein, mais on suppose qu'il y a une part d'apprentissage individuel, mais bien évidemment une part d'apprentissage social qui est très forte, parce que les chimpanzés sont extrêmement curieux, et quand un nouveau comportement ou une nouvelle plante est consommée, à leur proximité, ça suscite vraiment une attention très très forte. Ils vont s'approcher à quelques centimètres de la bouche du congénère, même parfois tenter d'en prendre un petit bout pour goûter lui-même la plante. Mmh. Donc on suppose que, par exemple, quand il y a une épidémie de toux ou un rhume, si un jeune chimpanzé voit un individu consommer une plante qu'il n'a jamais consommée et la goûte, que cette plante-là est très amère et que ça lui procure un bien-être relativement rapidement, la prochaine fois, il sera peut-être amené à rechercher cette plante-là. Des cas de paludisme aussi. Les chimpanzés peuvent être atteints par ce parasite. Et là aussi, ils savent quelle plante ils doivent prendre pour soulager leurs maux. Oui, ça c'est sûrement une des découvertes qui m'a le plus intéressée et qui m'a vraiment passionnée, c'est la consommation des feuilles amères de Trichilia rubescens. Là, les chimpanzés vraiment convergent vers les petits arbres jeunes et n'en consomment que les feuilles jeunes et uniquement dans des conditions où ils sont relativement faibles. Alors évidemment, nous, on est incapable de dire là, ils ont le palu. Probablement que eux non plus. Bien sûr, pas qu'ils ont le palu. Mais les symptômes qu'ils ressentent, voilà, les font peut-être goûter et aimer cette plante à l'amertume très particulière. Ça pourrait être instinctif, finalement. Comme vous dites dans votre livre, quand on a une fringale, par exemple, on a besoin de magnésium, alors on va avoir envie de manger des amandes. Eux, peut-être, quand il y a un manque, un déséquilibre, ils ont aussi cet instinct de ce qui va leur faire du bien. Oui, c'est probable. Et d'ailleurs, Jane Goodall, dès ses premières observations, quand elle utilisait donc ses bananes et qu'elle voyait un individu qui était malade, mettait parfois des antibiotiques dans les bananes, et elle décrit que les chimpanzés acceptaient ces bananes avec antibiotiques tant qu'ils étaient malades, puis après les refusaient complètement. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec le paludisme, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vingtaine de plantes qui ont des activités biologiques dans la forêt et qui permettent de réduire les effets du parasite, et que les chimpanzés les consomment alternativement. À l'inverse de l'humain qui va consommer un seul médicament et entraîner des résistances, eux ont à disposition une vraie pharmacie et en profite. Ouais. Alors là, ils sont presque plus raisonnables que nous sur le long terme. Mais ça paraît presque trop beau. Comment ça se fait que eux, justement, savent utiliser ces médicaments pour qu'ils soient toujours efficaces et ne pas entraîner ces résistances? Bah, probablement que nous, on a fait assez rapidement, avec la cuisson des aliments, une différence entre aliments et médicaments. La cuisson désactivant la plupart des propriétés médicinales des plantes. Dans les sociétés traditionnelles, cette rupture entre aliments et médicaments n'existe pas forcément. Et par exemple, en Ouganda, les communautés voisines humaines ne décrivent pas une scission forte entre se soigner et manger. Probablement que les chimpanzés ont une espèce de continuum entre se nourrir, prévenir les maladies et se soigner, et que c'est pas aussi marqué que nous. Ces singes s'aventurent souvent en dehors du parc protégé, ils font des dégâts dans les plantations alentours. Vous allez nous raconter, Sabrina Krief, comment se passe la cohabitation avec les humains dans un instant. Nous poursuivons donc notre exploration de la forêt de Kibale en Ouganda, sur la piste des chimpanzés. Dans la plupart des cas, quand nous suivons une piste, nous regardons comment les herbes sont couchées. Ici, elles indiquent que les chimpanzés se sont déplacés du sud vers le nord. On voit bien que les herbes sont couchées dans cette direction. To my favorite show. Day two, hold my hand and pull me close. Next to me, kiss my cheek, cast any days. Day three, take me to a deep river, steal a kiss when I'm lost in the mist. Wisdom river for me, once I'm yours to obtain. Once my fruits are for taking, and you flow through my veins. Do you still think I'm beautiful when my tears fall like rain? My love is so bountiful. For a man who's true to me, a man who can follow his heart, not get bound by his poisonous chains. For a man who can skin right, hot pink when you open up my sweet thighs. Pull you in and your life can begin, cause it's early days. Will you still be there for me? Now I'm yours to obtain. Now my fruits are for taking, and your fingers are stained. Do you still think I'm beautiful when you light me in flames? My love is so beautiful. Holly Terrence, c'était FK Twigs et Futur sur France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Ce qui est assez incroyable chez les chimpanzés, c'est que quand on les entend crier comme ça, on a l'impression qu'ils sont violents. Mais ces cris-là, ils commencent tout doucement, avec une voix toute douce. Et le plus souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est des moments de tendresse. Le premier, qui est-ce ? C'est un tabou. Au-dessus, on a Ulysse, Aragon, qui est le frère d'un tabou. Et celle qui vient juste de descendre, c'est Shakira. Ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression qu'on ne les gêne pas du tout. Ils sont vraiment très détendus et ils font absolument pas attention à nous. Cool, ça, hein. C'est vraiment une super victoire. La voix de Jean-Michel Krief, votre mari, Sabrina Krief, qui est photographe et qui partage avec vous cette passion pour les chimpanzés. Nous avons mis d'ailleurs une photo du mâle alpha Elliot sur la page de l'émission sur franceinter.fr et puis sur la page Facebook du Vent dans les synapses, prise par Jean-Michel Krief, votre mari. Alors, on l'entendait hein, là, vous leur avez donné à chacun des noms. D'ailleurs, vous dites, je ne travaille pas sur les chimpanzés, mais je travaille avec les chimpanzés. C'est pas un groupe de chimpanzés indéfini avec lequel vous travaillez. Oui. Et c'est peut-être un peu la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre aussi, c'est que quand on fait des publications scientifiques, évidemment, on présente notre travail de façon rigoureuse et ça n'empêche pas qu'on détecte des comportements, des tempéraments et des personnalités et qu'on puisse décrire avec un peu plus d'intimité ce qui se passe quand on a la chance et le privilège de partir sur le terrain et de découvrir au plus près, en fait, cette espèce qui est absolument incroyable et ses individus. Du tout particulièrement. Et puis vous avez l'occasion aussi de vous rendre compte, par exemple, que toutes les femelles ne sont pas aussi attractives pour les mâles. Certaines ont plus la cote que les autres. Oui, effectivement. Donc ça, on savait hein, de façon générale que les vieilles femelles ont tendance à beaucoup plus attirer les mâles chimpanzés que les jeunes adolescents. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, quand on vieillit. Mais bon, évidemment, oui, on n'est pas chimpanzés. Voilà. Et bah, même parmi les femelles qui ont à peu près le même âge, il y a vraiment des préférences entre certains individus. Et par exemple, Elliot affectionne tout particulièrement Kitaka, qui se caractérise par le fait qu'elle est très blonde, qu'elle a les poils très très clairs. Et c'est vraiment un tandem qui est assez amusant à observer parce que... Elle est convoitée par tous les autres mâles qui aimeraient bien s'en approcher de Kitaka. Voilà, mais Elliot veille et monte la garde. Ouais, et... Assez possessif. Exactement. La densité en chimpanzé hein, dans le parc de Kibale en Ouganda où vous travaillez est une des plus importantes au monde, hein, Sabrina Krief. Ce parc est traversé par des routes, des plantations sont autour, des villages à proximité. Est-ce que les chimpanzés souffrent de cette proximité avec les humains? Alors c'était vraiment une de nos questions en étudiant les chimpanzés de Sébitoli parce qu'on est à l'extrême nord et donc dans une sorte de cul-de-sac. Mmh. Et effectivement, cette poche de forêt est entourée par en plus une route. Donc il y a vraiment toutes les menaces qui sont présentes. Le braconnage, l'agriculture qui est aujourd'hui la principale menace qui pèse sur les chimpanzés. En 50 ans, 70% des populations de grands singes et de chimpanzés ont disparu. La première menace étant la déforestation à cause de l'agriculture. Et puis il y a des menaces beaucoup plus insidieuses qui découlent de cette agriculture. Et en fait, on s'est rendu compte que 30% des chimpanzés ont des malformations faciales. Donc c'est le cas par exemple d'Aragon et Ntabou. Et une des hypothèses les plus probables est que lorsque les chimpanzés vont consommer ce maïs, surtout les femelles, exposent leur fœtus à des perturbateurs endocriniens. Et donc en faisant l'analyse de l'eau des rivières, on a découvert des cocktails qui sont vraiment toxiques, hein, avec plus de 15 produits différents qui ont été analysés par ma collègue Barbara de Menex, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle et qui travaille sur ces perturbateurs endocriniens. Et on a montré qu'il y avait vraiment des effets sur l'axe thyroïdien et aussi sur les œstrogènes, la production d'œstrogènes. Pour autant, les chimpanzés ne fuient pas ces zones de contact avec les hommes. Au contraire, vous avez remarqué qu'au lieu de rester au cœur de la forêt, ils sont souvent à la limite, à la frontière de cette forêt. Et puis, ils vont faire régulièrement aussi des dégâts dans les plantations ainsi que d'autres animaux sauvages, ce qui pose des problèmes aux habitants, comme le raconte ici Elouereka Boubara, chef d'un village à la lisière de la forêt de Kibale. Oui, les animaux viennent piller les champs, les chimpanzés, les babouins qui, eux, viennent tous les jours, et de temps en temps, des éléphants. Les éléphants et les babouins mangent absolument toutes les plantes que nous cultivons. Les chimpanzés, eux, ne mangent que la canne à sucre et le maïs. Il faut que nous surveillions nos champs, de jour comme de nuit. Le gouvernement nous a donné de l'argent pour creuser des tranchées de protection autour de certains champs. Mais le problème, c'est que nous avons aussi des champs dans des zones humides où on ne peut pas creuser de tranchées. Alors les animaux peuvent venir piller ces champs-là. Les conséquences sont très importantes pour nous, car nos revenus sont très faibles. Nous ne pouvons pas envoyer nos enfants dans de bonnes écoles, acheter des médicaments quand nous en avons besoin. Sabrina Krief, cette question vous préoccupe. Hein. Comment faire cohabiter les chimpanzés et les humains qui vivent aux alentours du parc? Bien sûr, parce qu'on n'arrivera pas à sauver les chimpanzés et le reste de la faune si les communautés locales ne sont pas en harmonie avec cette faune et cette forêt. Et donc, nos actions aujourd'hui se tournent vraiment pour le développement de ces communautés locales et pour réduire les actions négatives qu'ont les animaux sauvages sur les cultures et sur les revenus de ces populations. Et vous avez créé, par exemple, une association pour agir concrètement sur le terrain. Exactement. Donc, notre association, Projet pour la conservation des grands singes, permet de mener des actions de sensibilisation, mais aussi là, on a un projet avec le Fonds français pour l'environnement mondial, la Fondation Prince Albert II et la Fondation Nicolas Hulot, pour essayer de mettre en place une agriculture biologique et durable avec les petits producteurs, de façon à la fois à générer des meilleurs revenus pour eux, réduire les impacts sur la santé qu'ont les pesticides, et aussi éloigner les cultures les plus attractives de la lisière pour éviter les pillages par les éléphants et les chimpanzés. Et alors là, vous avez eu une idée géniale de faire des sortes de barrières avec des ruches, composées de ruches. Racontez un peu le dispositif. Alors, ce sont des ruches qui sont suspendues, reliées par un câble. Et l'idée est que quand les éléphants sortent de la forêt pour aller voler le maïs, ils se heurtent au câble, ça agite les ruches et les abeilles attaquent par essaim en fait les éléphants qui rebroussent chemin et repartent en courant dans la forêt. Et ça fait du miel pour les villageois, donc tout le monde est gagnant, sauf les éléphants qui se font un peu piquer. Comment on fait pour vous aider, votre association? Est-ce qu'on peut vous accompagner, vous aider financièrement? Oui, on peut aller sur le site Eloasso en tapant Projet pour la conservation des grands singes et nous aider à soutenir les communautés locales par exemple et aussi la lutte anti-braconnage puisque chaque jour, au quotidien, on va enlever les pièges qui mutilent les chimpanzés et les éléphants qui perdent parfois des morceaux de trompe. Merci Sabrina Krief. Je rappelle le titre de votre livre « Chimpanzés, mes frères de la forêt » aux éditions Actes Sud. Et après les nids des chimpanzés, dans un instant plongé dans un nid d'espions, nous allons nous intéresser aux méthodes et aux technologies utilisées par les agents secrets avec la commissaire de l'exposition Espions qui vient d'ouvrir ses portes à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et j'admire votre chance, monsieur... Bonne. James Bond. La côte en haut de la ville est avare en ombre l'été. Cela rend indocile. Il faut une raison pour y aller. Raison d'aller là, pour aller monter tout là-haut comme ça. Hein. Il marche comme l'on vole, l'air de ne pas y toucher, mais le moindre bruissement l'affole, le fait se redécourager, revenir sur ses pas, et puis recommencer à requitter l'en bas. C'est que tout l'autour à la tire, c'est ce que ce sont. Son latin se divise aux volets bleus et entrouverts, aux vélos verts, à ceux à quoi il renonce en faisant marche arrière. C'est tout l'art de la défaite, ça. est là dans ce demi-tour sur soi. La pente en haut de la ville est avare en ombre l'été. Cela rend indocile. Il faut une raison pour y aller, raison d'aller là, pour aller monter tout là-haut comme ça. Il en redescend comme on sort d'une nuit blanche et agitée. Le moindre bruissement l'endort, le fait se remettre à rêver, revenir sur ses pas et puis recommencer à regagner l'en bas. C'est que tout l'autour consumé par l'essence et l'été, son latin résumé à répéter tout bas. Voudrais-tu danser? Voudrais-tu danser? Voudrais-tu redanser avec moi ou pas, hein? C'est tout l'art de la défaite, ça tient dans un demi-tour, demi-tour. Tout l'art de la défaite là, dans ce demi-tour sur soi. C'était l'art de la défaite, Batlick, et la programmation musicale du Vent dans les Synapses est signée Muriel Pérez. France Inter, du Vent dans les Synapses. Cette opération aura pour nom de code Isotope. Nous estimons qu'un essai nucléaire de faible puissance vient de se dérouler dans ce pays. Écho 2, attention, l'objectif rejoint le quai opposé. Direction Château de Vincennes. Vous pouvez compter sur nous pour partager au plus vite les renseignements que nous obtiendrons. Voilà qui rappellera quelque chose aux fans de la série Le Bureau des Légendes. Alors il ne s'agit pas de la bande-annonce de la saison 5, mais d'un aperçu du scénario imaginé en collaboration avec l'équipe de la série pour l'exposition Espion qui vient d'ouvrir ses portes à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris et dont vous êtes commissaire, Laurence Conesil. Bonjour. Bonjour. Alors avec cette exposition, vous aviez envie de nous faire entrevoir les coulisses du monde très secret de l'espionnage. Exactement. L'objectif de l'exposition est de révéler les services de renseignement français contemporains. C'est pour ça qu'on a décidé avec le Bureau des Légendes de créer une intrigue fictive, évidemment, mais tout à fait plausible et réaliste. Tout un scénario. Alors, quelle va être la mission confiée au visiteur? Alors, le visiteur va se retrouver au cœur des services et on vient de détecter un essai nucléaire de faible puissance en République occidentale. Évidemment, ce pays n'existe pas. Néanmoins, le président de la République, par la voix du coordonnateur, convoque les 6 services de renseignement du premier cercle et vous demande une note de renseignement sous 48 heures. Donc c'est vous, simple visiteur, qui allez devoir vous transformer, devenir un agent de renseignement, collecter de l'information et rédiger cette note. Alors pour que tout ça soit réaliste, vous avez travaillé donc avec les scénaristes, les décorateurs et les acteurs de la série du Bureau des Légendes, mais vous avez aussi travaillé avec les 6 services du renseignement français, dont la DGSE, la DGSI, TRACFIN, pour créer cette exposition. Mais on imagine que collaborer avec ces services qui ont la culture du secret absolu pour faire une exposition grand public, ça a dû être un peu la quadrature du cercle parfois, non ? Tout à fait. Il a fallu les faire parler, ces Exactement. Agents. Exactement, il a fallu les faire parler. Alors, on va dire que ça n'a pas été simple pour nous, mais je pense que surtout, ça n'a pas été simple pour eux. Parce que effectivement, c'est dans leur ADN d'être, par définition, secret. Donc l'objectif était d'avoir des informations surtout contemporaines. La difficulté était là. Néanmoins, très vite, ils se sont prêtés au jeu. Et ils ont accepté de nous expliquer comment ils travaillaient. On a rencontré des agents en activité qui nous auront expliqué quel était leur métier, comment ils organisaient une journée type, et à partir de ces éléments, on a pu construire cette intrigue avec les gens donc du Bureau de Légendes, mais aussi donc ramener tous ces éléments de réalité. Oui, alors cette enquête que le visiteur va devoir mener, bien c'est l'occasion d'aborder différents aspects scientifiques et technologiques. D'abord, les essais nucléaires, le point de départ. On apprend comment, très concrètement, lorsque n'importe où sur la planète un essai nucléaire a lieu, grâce à des sismomètres, Exactement. Très rapidement, on en est informé Et il y a là, alors ça se déclenche très rapidement, le président de la République est dans les minutes qui suivent informé de l'opération. Exactement. En fait, donc, nous avons choisi de partir d'une intrigue qui s'appelle de la lutte contre la prolifération nucléaire. Donc pour cela, on parle d'un essai nucléaire. Et en fait, le CEA, qui est partenaire de l'exposition, possède des sismomètres qui sont donc implantés à la surface du globe. Le CEA en possède 24, mais on va dire que sur la surface du globe, il y en a plus de 320, ce qui permet de surveiller en temps réel tous les événements sismiques. Alors il y a évidemment tous les événements naturels, un tremblement de terre, une éruption volcanique, mais parfois les ondes qui sont enregistrées par ces instruments-là, eh bien ils dévoilent des ondes tout à fait spécifiques qui sont celles d'un essai nucléaire, et c'est ce qui s'est passé en Corée du Nord. Ouais. Alors dans l'exposition, la mission du visiteur, ça va être de collecter le maximum d'informations suite à cette alerte qui est déclenchée. Alors il va falloir mener une enquête dans différents décors. La première phase, ça se déroule sur le sol français. Qu'est-ce qu'il va devoir faire, le visiteur ? Alors sur le sol français, le visiteur, il va se mettre dans la peau soit d'un agent de la DGSI, de la DRSD, de la DNRED ou de Tracfin. C'est-à-dire qu'il va devoir mener une enquête financière sur les comptes de Tricastin. Alors, on va pas tout vous dévoiler, il faut venir à la cité pour le savoir. Mais, par exemple, voilà, il peut mener une enquête financière. Il va, par exemple, devoir aussi dépoussiérer un bureau. Et alors, dépoussiérer, ça, il prend pas un plumeau, hein, à ce moment-là. Dans le langage des espions, ça a un sens bien particulier. Tout à fait. Quand on dépoussière un bureau, on n'y fait pas le ménage. En fait, on essaie de vérifier s'il n'y a pas des mouchards ou des caméras cachées. Donc, pour cela, on prend différents instruments qui permettent de détecter les ondes radio qui sont émises. Et donc, ainsi, on peut savoir si, malheureusement, le bureau a été truffé de mouchards. Ouais. Donc là, ils vont disposer de ces outils pour pouvoir passer au peigne fin le bureau. Caméra endoscopique aussi pour aller... Exactement. Vous constituez une équipe. Donc, vous constituez une équipe. Certains visiteurs vont prendre les détecteurs de micro, d'autres les détecteurs de caméra. Enfin, cette fameuse caméra endoscopique. Et vous allez aussi pouvoir comparer ces éléments que vous avez eu en main avec de véritables outils prêtés par les services. Et alors ensuite, on travaille aussi sur la façon d'interroger, la communication non verbale, l'écoute de téléphonie, comment on analyse tout ça. Et puis ensuite, deuxième phase de l'enquête, on part à l'étranger, dans un décor qui suggère qu'on est dans un appartement superbe. Il va falloir accéder au coffre-fort, passer... À travers les lasers. Et oui, parce que là, il y a tout un service de sécurité, là encore technologique, qu'il va falloir éviter, déjouer. On apprend plein de choses et dans plein de domaine également en cryptologie, la façon de décrypter tout ce qui est informatique sur un disque dur. Exactement, c'est-à-dire que là, sur le sol étranger, vous continuez à faire de la collecte d'informations, mais là, vous êtes dans une posture beaucoup plus offensive. Hein. Quand on pratique le renseignement en sol étranger, on travaille en clandestinité, et donc, par exemple, là, on a le visiteur a craqué l'ordinateur de Frank Bougy, c'est un peu notre grand méchant, et on va pouvoir déchiffrer et savoir quels sont les messages qu'il contient. Alors on apprend énormément de choses sur les techniques actuelles des espions, Laurence Connésil. Dites-nous honnêtement, en travaillant sur cette exposition, est-ce que vous avez appris des choses que vous n'avez pas eu le droit de mettre dans l'exposition ? Alors, on va dire qu'en termes de muséographie, on a besoin d'en savoir toujours un peu plus que ce que l'on raconte pour pouvoir justement concevoir des éléments qui sont quand même proches de la réalité. Après, je pense que déjà dans cette exposition, on découvre pas mal de choses et en particulier on révèle tous les métiers que renferme le renseignement. Et ça, c'était pour nous très très nouveau. Par exemple, il y a des linguistes, on va avoir des gens qui font de l'interprétation d'images, des gens qui travaillent sur le terrain, qui font de la filature, voilà, on découvre comme ça tous ces métiers. Mais j'entends quand même que vous en savez un peu plus, mais peut-être qu'on n'a pas le droit d'en connaître, comme ils disent dans la série du Bureau des Légendes. À découvrir l'exposition Espion à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris jusqu'au 9 août prochain. Merci Laurence Connésil. Je rappelle aussi le titre du livre qui accompagne l'exposition, qui est pour les adolescents, Espions des métiers très secrets, une coédition TOE Universcience. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. À samedi prochain pour de nouvelles découvertes. Et tout de suite, place à la musique avec Jean-François Zigel et sa preuve par Z.